Histoire, Xavier Mauduit. Paysans militants, c'est la lutte rurale. En 1849 paraît la démocratie. Celle inconnue, quel titre ! Le livre est signé d'Alphonse Jobès, qui fut dans l'opposition sous la monarchie de Juillet et qui devint fervent républicain en 1848. Il développe alors un grand intérêt pour le socialisme. Et dans La démocratie, c'est l'inconnue, il parle de ces masses d'hommes passant sans cesse d'une aisance tolérable à une détresse affreuse, de ces campagnes désertées pour le travail précaire des villes. Si l'on compare le progrès de l'industrie à celui si lent de notre agriculture, on ne tarde pas à se demander s'il n'y avait pas là des dangers vers lesquels courait en aveugle la société. Nous étions en 1849. Cette course folle continue-t-elle toujours ? Quelle place pour les espaces ruraux et pour les paysans militants dans la folle histoire du progrès ? Catherine Rouvière, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Avant de commencer une émission qui évoque les espaces ruraux, un rappel comme une évidence, mais les rappels sont toujours nécessaires. Espace rural ne veut pas dire uniquement occupé par des paysans, par des agriculteurs. Non, bien sûr, espace rural, ça concerne aussi des activités autres que l'agriculture, telles que l'industrie. D'ailleurs, certains espaces que j'ai étudiés étaient des départements assez fortement industrialisés au 19e siècle. Une petite industrie fondée notamment sur l'énergie hydraulique, avec des moulinages, des filatures, etc. Et puis aussi, évidemment, les activités liées au commerce, aux services. Donc, c'est tout un ensemble qui va bien au-delà du monde paysan. Et la France a peut-être cette particularité que ces espaces ruraux ont été, en somme, agricolisés à la fin du 19e siècle, avec donc la politique mise en œuvre donc sous Gambetta. Le mythe agraire, voilà, de nos campagnes, retourner à la terre, hein, l'utopie née au rural en Ardèche depuis les années 1960, c'est votre travail, hein, Catherine Rouvière. Ces espaces ruraux, je l'évoquais en introduction, espaces ruraux désertés, la peur de la désertification. Oui, alors ça, c'est une constante aussi depuis le 19e siècle. C'était une constante, effectivement, l'afflux des populations dans les villes, c'était populations déracinées, mal maîtrisées, qui finalement se constituait en classe laborieuse, classe dangereuse, a fait peur au moment de l'industrialisation. Et la campagne a été de ce fait idéalisée et devenue le symbole d'un conservatoire de valeurs stables, rassurantes. Et le monde rural et agricole a été vu comme un ensemble totalement homogène, dans une sorte de corporatif. Il y avait un discours sur le monde agricole qu'on peut comparer un peu au discours colonial, c'est-à-dire d'un monde finalement qui n'est pas tout à fait entré dans l'histoire et qui reste immobile, ce qui était faux en réalité. Oui, des représentations qui nous sont imposées. Oui. C'est très intéressant, hein, de relire cette construction d'un monde rural, alors avec l'église, monsieur le maire, voilà. Tous les stéréotypes que nous connaissons encore aujourd'hui. C'est la construction de stéréotypes qui sont portés par les catégories dominantes qui veulent contrôler en fait ce monde agricole qui en réalité est beaucoup plus mobile que l'image qui en est propagée. Et puis avec une grande diversité de situations en France. Car Bonneville n'est qu'un bourg, Bonneville ne compte que 700 habitants. Mais ses habitants ont des enfants, beaucoup d'enfants, parfois 10 par famille, qui jaillissent de partout dans les rues, qui courent, qui rient, qui embellissent les foyers, qui donnent confiance en l'avenir, eux qui sont un peu cet avenir, et qu'impressionnent déjà les vocations de maisons en ruine, comme celle de cet autre village français, Tanaron, qui lui ne signifie plus rien. Bonneville, c'était la vie, Tanaron n'est plus qu'un mot, car aujourd'hui à Tanaron, il ne reste qu'un pauvre vieux, auquel le facteur résigné vient de temps à autre apporter les nouvelles du monde des vivants, du monde où il y a des enfants. Car un jour à Tanaron, il n'y a plus eu d'enfants. Et maintenant les portes qui battent au vent, les maisons vides et délabrées, et la peine d'un vieil homme, disent la grande pitié des 10 villages morts que compte le pays. Ces 10 villages ne devront plus être qu'un détestable souvenir pour éviter à la France le sort de Tanaron et pour lui assurer la vie. Tanaron aussi a été un village heureux, naguère, haut perché dans sa montagne, quand des enfants y naissaient. Nous étions en 1947 dans le journal des actualités françaises avec ce petit village abandonné de Tanaron, c'est oui. En Provence. Alors là, Catherine Rouvière, nous avons l'archétype oui. De ce stéréotype. Tout à fait, et ça me fait penser, cette archive me fait penser donc à un village d'une petite ville du sud de l'Ardèche, qui s'appelle Alba la Romaine, et dès 1947, le journal Combat lance un appel à des artistes pour venir relever les ruines d'une partie de cette petite ville, et cet appel est entendu, puisque va se former en fait une collectivité d'artistes venus du monde entier, même d'Argentine, etc. Donc ça va être un lieu finalement de fixation déjà dans l'immédiate après-guerre d'artistes et ensuite qui vont servir à partir des années 60 de point de chute à des néo-ruraux qui ensuite iront ailleurs dans le département ou ailleurs. Mais déjà, enfin, ces implantations d'artistes, effectivement, elles existent dès l'après-guerre. Et la thématique des villages abandonnés connaît une médiatisation assez importante dans les années 60, dans des magazines, des émissions aussi de radio, progressivement, par exemple, l'émission Chef-d'œuvre en péril, etc. Et des journalistes popularisent ce thème, achètent eux-mêmes des maisons dans des villages abandonnés, et il y a un engouement qui prépare finalement aussi cet intérêt pour la campagne et ce désir d'y venir. Alors d'abord en achetant des résidences secondaires, et puis ensuite viendra ce mouvement néo-rural dont les prémices remontent au début des années 60 pour la période de l'après-guerre. Dans les stéréotypes sur les mondes ruraux, il y a aussi ce calme. Après des siècles d'énervement paysan, des jacqueries, il y a cette idée que nous sommes dans un monde un peu pacifié, ce qui n'est pas le cas, loin, loin de là. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Jean Vigreux, bonjour. Bonjour. Au moment de penser l'action militante dans les campagnes, il y a le Parti communiste. Vous avez étudié la faucille après le marteau, hein, le communisme au champ dans l'entre-deux-guerres. Dans l'entre-deux-guerres, le Parti communiste s'intéresse au monde paysan, parce que dans notre image, les prolétaires, ce sont les ouvriers qui sortent de l'usine. Oui, c'est l'imaginaire et c'est encore une représentation aussi, puisque le PC se veut le parti de la classe ouvrière, mais n'oublions pas qu'il naît à Tours, au congrès de Tours, et que pendant longtemps, on a dit que c'était les paysans qui avaient fait l'adhésion à Tours, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais qui montre que le socialisme a des racines aussi dans le monde rural et dans le monde paysan. Vous évoquiez tout à l'heure 1849, les démocsocs, les démocrates socialistes, c'est un héritage que reprend le PC. Et dans l'entre-deux-guerres, ce qui va se jouer, au-delà de la dénonciation de la guerre, hein, puisque c'est quand même la population qui était le plus sacrifiée au cours du conflit, eh bien ces héritages sont remobilisés avec le journal La Voix paysanne, et puis surtout la lutte contre les saisies dans les années 30, par rapport à la crise économique et sociale très dure qui touche le monde paysan, les fermiers, les métayers et les petits propriétaires. Et ce qui est original dès le départ, c'est la défense de la petite propriété qui caractérise le PCF. Ah oui, alors là, nous avons quelque chose de spécifique au cas français. Avec le communisme, nous pensons au terme mis en commun, nous pensons au kolkhoz. Dans le cas français, non, c'est la propriété qui est privilégiée. Pourquoi ? Alors, c'est la petite propriété, c'est pas forcément la propriété, mais disons le mythe de la démocratie rurale. On a évoqué tout à l'heure Gambetta, et je dirais que là, il y a une matrice d'une culture républicaine qui est reprise par le PC. D'autant plus que, certes, on va valoriser le modèle soviétique, on va valoriser les sovkhoz et les kolkhoz, mais ce que j'appellerais en figure imposée du discours communiste, comme en patinage artistique, il y a des figures imposées, puisque la réalité, c'est plutôt la défense de la petite propriété, la défense du statut du fermage et du métayage, qui n'est pas obtenu en 1936 au moment du Front populaire, mais qui est obtenu en 1946 dans la suite du programme du CNR et de l'implantation du PC de manière plus importante. Et une petite anecdote, la seule fois en France où on a voulu faire des kolkhozes, c'était en Corse au moment de la libération en 1943, et arrive aussitôt un télégramme de Moscou qui dit arrêtez toutes vos déviations gauchistes, en France c'est la défense de la petite propriété. Ah, c'est drôlement intéressant ça. Et d'ailleurs, pour réfléchir à qui, eh bien, intrigue ce monde communiste dans les campagnes. Bien sûr, évidemment, ce n'est pas le grand propriétaire, c'est plutôt le journalier, l'ouvrier agricole, direction la Bretagne. À l'intérieur des terres, voici des habitations de fermiers et ouvriers agricoles appelés journaliers. À côté de ces masures, on peut voir des châteaux de hobereaux, dont plusieurs possèdent plus de 100 métairies chacun, et qui prétendent maintenir leurs privilèges d'autrefois. Dans ce pays vivent des centaines de milliers de travailleurs ruraux, dont la plupart sont des fermiers et des ouvriers agricoles, les uns et les autres voués à une existence très dure. Le salaire des ouvriers agricoles est extrêmement bas. Aussi quittent-ils en masse la terre pour aller dans les villes. Quant aux fermiers, on sait quelles furent leurs luttes contre certains propriétaires trop rapaces. Les fermiers se sont organisés en syndicats qui surent limiter et même arrêter les expulsions scandaleuses dont plusieurs furent victimes. Désormais, les exploités ruraux se refusent à la résignation et aux exigences des maîtres dont le régime s'achève en Bretagne comme ailleurs. Nous étions en Bretagne en 1938, nous étions aussi dans les archives du Parti communiste français. Jean Vigreux, la lutte des classes peut être paysanne. Oui, elle peut être paysanne. Alors là, on vient d'évoquer les ouvriers, ça devait être Cachin, hein, me semble-t-il, selon la voix, et sans doute dans le Trégor, parce qu'il y a aussi encore un fort monde prolétariat rural, puisque ce n'est pas mécanisé encore cette agriculture dans les années 30. Après-guerre, ça va changer. Ça participe effectivement avec la Fédération des travailleurs de l'agriculture, hein, qui a un rôle important au sein de la CGT, mais c'est toujours la difficulté, puisqu'on défend aussi, vous l'avez entendu, les fermiers, les métayers et les petits propriétaires. Et parfois, et bien, il peut y avoir des tensions entre les deux. Cette implantation du communisme rural se fait plus peut-être aussi dans quelque chose d'autre, qui est celle de la jouissance de la terre à ceux qui la travaillent. Alors certes, on demande une réforme agraire, mais c'est une défense en quelque sorte de l'exploitation familiale. C'est ça qui va caractériser sur le temps long, hein, et ça aboutira en 1959 avec la naissance du MODEF, ce syndicat proche du PC et de défense de l'exploitation familiale. La terre à ceux qui la travaillent, c'est un écho, Catherine Rouvière, à ceux que vous avez étudiés, ces néo-ruraux dans les années 1960. Oui, tout à fait. Donc ces néo-ruraux qui s'implantent assez massivement à la fin des années 60 et particulièrement après le mouvement de mai 68 s'installent donc dans des espaces désertifiés qui sont retombés en friche, et souvent donc ils occupent des hameaux abandonnés avec l'accord plus ou moins verbal des propriétaires. Et il revendique une évolution du droit de propriété, à savoir que une terre doit appartenir à ceux qui la mettent en valeur. Et il dénie, par exemple, aux héritiers le droit de revendiquer la propriété alors qu'ils n'en font plus rien. Et effectivement, c'est un combat qui est mené par un certain nombre de néo-ruraux pour faire évoluer ce droit de propriété qui est sacré en France et qui est vraiment intangible. Mais c'est une réflexion sur la prise en compte du droit d'usage et peut-être d'autres formes alternatives au droit de propriété. Une histoire qui s'écrit sur le temps long avec une réflexion sur les communs oui, qui nous conduisent sur des siècles passés. Et ce sont ces communs qui ressurgissent au moment de réfléchir à la terre, à ceux qui la cultivent. Oui, et alors il y a quand même des lois qui évoluent, par exemple sur les terres en friche, qui permettent au bout d'un certain temps de cultiver, enfin d'avoir un droit sur ces terres. Donc il y a des quelques évolutions, mais c'est très très difficile, et le problème du foncier est toujours très très actuel. Et le problème pour l'historien, pour l'historienne de l'histoire rurale, c'est de saisir un pays entier. Nous parlons de la France, nous parlons des espaces ruraux. Il y a énormément de variétés. Oui, effectivement, la France est caractérisée par une petite propriété dominante, mais il y a des espaces de grande propriété, comme on l'a vu dans votre archive. archives avec des beaucoup de salariés agricoles. C'est le cas par exemple dans le Midi viticole où on a des masses qu'on appelle des masses, donc des grandes propriétés agricoles avec beaucoup de salariés. Effectivement, là la perspective est peut-être différente. Il y a plus de proximité avec le monde ouvrier. Et s'agissant de la prise en compte justement des différences au sein du monde rural, c'est l'objet d'un nouveau syndicat qui se crée au début des années 70, s'appelle le syndicat des paysans travailleurs, autour de Bernard Lambert, qui a écrit sur les paysans dans la lutte des classes, et qui, contrairement donc au syndicalisme dominant de la FNSEA, bâtit son programme sur le fait qu'il existe une lutte des classes à l'intérieur du monde paysan. Jean Vigreux, le communisme au champ. Là aussi, selon les régions, et même parfois de manière encore plus locale, il y a des différences très nettes sur l'engagement paysan. Bien sûr, il y a des différences importantes. Il y a des zones réfractaires et puis il y a des zones d'adhésion. L'aire géographique du centre, hein, l'Allier, le Cher, la Nièvre, le sud-ouest du Massif central, que ce soit la Corrèze, Lot-et-Garonne ou le Limousin, sont des terres effectivement communistes et d'un communisme rural important. Mais ce qui a été évoqué, tout dépend aussi des modes de faire-valoir. Si on est en faire-valoir direct ou en faire-valoir indirect, et c'est-à-dire si on possède ou pas la terre. Et à chaque fois, l'idée, c'est de proposer cette réforme. Et cette réforme agraire est de donner la terre à ceux qui la travaillent. Et on va le voir tout au long de l'histoire du siècle, je dirais, passé, puisque dans les années 60, avec la modernisation agricole, le PC va dénoncer l'action de la SAFER qui accapare les fermes pour créer de grands domaines. Et donc, de ce point de vue-là, on est au cœur, là encore, du mythe de la petite propriété et dénoncer la disparition des exploitations qui ne sont plus rentables. Et donc, on peut avoir des mouvements violents. Hein. N'oublions jamais ce qui s'est passé en Bretagne en 1961, lorsque les paysans vont brûler les urnes lors des élections cantonales, ou dans le Midi viticole un peu plus tard en 67. Donc, il y a tous ces enjeux de dénonciation aussi de l'exode rural, d'une forme de modernité. Et en disant, et je pense que Valdez Crochet, qui a été non seulement le secrétaire général du PC, mais qui est celui qui a dirigé la section agraire pendant plus de 30 ans, dans les années 60, disait, lorsqu'il réforme le programme paysan et le programme pour le monde rural, nous, communistes, notre rôle n'est pas d'aider le capitalisme dans son entreprise d'expropriation, donc on voit bien aussi les mots à front renversé, mais de dénoncer ses méfaits, de prendre la défense de ses victimes. Voilà, donc on est bien au cœur d'un long processus de défense de la petite propriété, d'une agriculture familiale, des petits contre les gros, hein, et de sociétés rurales vivantes, véritablement. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que, on a évoqué, hein, les paysans travailleurs à la fin des années 60-70, mais le MODEF, en 1970, recueille plus de 32%, près de 33%, hein, des suffrages dans 64 départements. Donc ça veut bien dire qu'il y a aussi une réalité d'implantation. Et dans cette réalité d'implantation, il y a différents acteurs. Ces différents acteurs sont difficiles à saisir. Le MODEF, c'est le mouvement de défense des exploitants familiaux. Nous retournons toujours sur la famille. Et vous avez évoqué aussi, Jean Vigreux, le rôle de la SAFER, enfin ces sociétés d'aménagement foncier, d'établissement rural. Oui. C'est sûr que dans la construction d'un progrès idéalisé d'une France avec des grandes propriétés foncières et des gros tracteurs et des champs qu'on laboure sans s'arrêter, sans être gêné par des haies, l'idée même de petite propriété familiale peut poser problème. C'est en ça aussi qu'il y a une lutte et des tensions. Bien sûr, et c'est révélateur de conflits et de quelle conception on a de l'agriculture. C'est un débat peut-être qui a été repris ces dernières années avec agriculture paysanne. C'était intéressant de voir le retour du mot paysan, paysage, de celui qui entretient le monde rural, alors que c'était totalement oublié dans une logique productiviste. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est de voir que le PCF, qui peut valoriser l'URSS, qui peut valoriser un modèle productiviste de sauve-cols et colcos, en France, est plutôt sur une logique et bien d'une agriculture, je dirais presque de circuit court, de qualité des terroirs. C'est assez intéressant et se bat pour les appellations d'origine. N'oublions pas, entre autres, que sur le Champagne dans l'Aube, hein, c'est Gaston Schenck, celui qui était au début de la révolte en 1913, qui, plus tard, est un des leaders du Parti communiste dans les années 20, au sein de l'Aube et en Champagne. Donc voilà un petit peu, ça tord le cou aussi à certaines représentations et à certains mythes liés à la logique d'affreux partageux et de collectivistes. Les combats du Parti communiste français ne sont pas les mêmes que ceux qui se déroulent au même moment en URSS. Jésus. Seigneur, je comprends qu'ici vous ayez l'habitude de parler russe. Mais moi, je ne suis pas encore de ce pays. Seigneur, vous disiez... Je disais, comment on se retrouve, Don Camillo ? Dans quel état je vous trouve, Jésus ? Tu sais, j'en ai vu d'autres depuis 2000 ans. Mais votre maison, Seigneur, votre pauvre maison... Elle est pleine de blé. Le blé, c'est le pain des hommes, et le pain, c'est moi. Oui, Seigneur. Quand ils viennent chercher leurs grains, ils ne peuvent pas s'empêcher de penser à moi, même ceux qui n'entraient jamais ici auparavant. Et ils me parlent sans dire un mot. J'ai compris, Seigneur. Pardonnez-moi. En 1965, Don Camillo Fernandel est en Russie dans le film de Luigi Comencini. Don Camillo qui est étonné de voir une église transformée en grange. Jean Vigreux. Alors, il y a une différence entre le modèle français des espaces ruraux vu par les communistes français et puis ce qui est proposé en URSS. Il reste malgré tout des points communs. C'est cette idée de coopérative, de mise en commun. Oui, l'idée de coopérative, de coopération... coopérative de production, par exemple la Chablisienne dans Lyon, hein, qui aujourd'hui est bien connue pour d'autres choses, a été fondée par les communistes. Il y a plein d'endroits où on a alors un héritage aussi qui vient du socialisme français de coopération de production, et puis post-1945 de coopérative d'utilisation de matériel agricole, donc de partage d'un matériel à l'échelle du canton, et où on va voir des syndicalistes alors certes de la FNSEA, puisqu'ils étaient dans ce syndicalisme, et c'est après qu'ils vont fonder le MODEF, ou au sein de la CGA, hein, cette tentative qui n'a pas duré longtemps, en 1945, de créer une grande confédération générale de l'agriculture où tout le monde se retrouverait, alors dans un mythe peut-être sans doute agrarien, hérité de longues années de démocratie républicaine depuis le 19e, et après la parenthèse de Vichy, il fallait rompre avec, bien sûr, Vichy, même si parfois il y a des mots que l'on retrouve ici ou là. Hein. Tout à l'heure, on évoquait les néo-ruraux et on évoquait le fait des villages abandonnés. Regain, tous ces enjeux du retour à la terre étaient aussi prônés durant cette période. En revanche, ce qui est très intéressant sur les logiques de défense de la petite paysannerie, c'est que vous avez aussi des formes de militantisme particulières, de sociabilité villageoise, de fête, de lecture de la terre, de la découverte en quelque sorte d'un journal qui donne des renseignements pratiques, et c'était des centaines de milliers d'exemplaires qui étaient tirés et vendus, et beaucoup plus large que l'électorat communiste dans les campagnes. Et encore plus pour Regain, le roman de Jean Giono, hein, en 1930, ce retour à la terre, celui qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, avec ses paysans militants, c'est la lutte rurale. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. France Culture. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Le Loir-et-Cher par Michel Delpech dans le cours de l'histoire. Dites-nous, Catherine Rouvière, qui sont les néo-ruraux ? Parce que le mot s'impose oui. Comme ça, mais qui oui. Sont-ils ? Alors le mot est un peu un mot valise qui a été créé par l'administration. Il désigne donc toute personne qui quitte la ville pour s'installer à la campagne, mais dans le sens où je l'ai étudié, c'est un sens beaucoup plus restrictif, qui désigne ceux qui effectivement quittent la ville ou éventuellement issus de la campagne, ils reviennent après avoir fait un détour par la ville, mais qui ont un projet idéologique entre guillemets, qui s'inscrit quand même en critique, en contestation de la société dominante, qui est société libérale, société de consommation, qui épuise les richesses, qui est inégalitaire, etc. Donc il y a quand même à la base de la démarche une volonté de résister et de proposer autre chose, de faire vivre un autre modèle, alors à l'échelle micro-locale, mais qui pourrait essaimer ensuite par l'exemplarité vers la société en général. Le temps passe, le contexte change, les gens ne sont plus les mêmes, il y a des générations. Qui sont les premiers à réfléchir à ce retour à la campagne? Nous sommes à la fin des années 1960. Ce qu'on appelle la première vague, c'est une vague essentiellement post-68, c'est-à-dire que après l'échec d'une prise de pouvoir par le haut pour changer la société, l'idée c'est de continuer à faire vivre cet idéal, mais à une échelle très locale et en commençant par soi-même, par changer ses façons de voir les choses, c'est les rapports entre les gens. Et donc de tout remettre en cause, en particulier tout ce qui est de l'ordre de la hiérarchie, pour créer des liens sociaux, des relations beaucoup plus horizontales. Et ça se fait donc dans des espaces désertifiés où le foncier est très peu cher. Avec au départ, il n'y a pas l'idée de créer des liens avec la population locale, mais de rester un peu en vase clos pour créer soi-même un autre modèle de société. C'est ensuite que les choses évoluent. À partir de 75, on a une vague plus inspirée par l'écologie qui cherche à s'insérer dans la société locale. Les premiers, en tout cas, nous le voyons bien, s'inscrivent dans une histoire beaucoup plus large de mouvements sociaux profonds. Qui sont les hippies? Les hippies, c'est un grand problème, ça. Il y en a trop. Une jeunesse comme ça, ben vous savez, c'est une honte, moi je dis. Pourquoi? Ben parce que c'est des crasseux. Moi je les raserai. Je les raserai à 00. Ça dépareille la ville. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le temps, lorsqu'il y avait le festival, il y avait des gens très bien qui venaient au festival, tandis que maintenant, on va au festival en bout de jean. Nous sommes obligés de les arroser et souvent de les frapper pour qu'ils sortent du milieu. Vous êtes arrivé de les frapper? Pas plus tard qu'hier soir. Alors, que pensez-vous des hippies, monsieur? C'est très bien. Ils sont bien gentils tous et très polis. Vous ne les trouvez pas trop sales? Pas du tout. J'ai envie de couleurs, j'ai envie de choses qui me plaisent à moi. J'ai pas envie de suivre une mode, j'ai pas envie de mettre ma cravate. Mais vous suivez une mode? Non, je ne suis pas. Mais s'il y a une mode qui en ce moment est bien dans le monde entier, c'est la mode hippie. Mais non, c'est la mode hippie. Puisque non seulement elle existe en elle-même, mais elle a influencé les modes dans le monde entier. Ça n'est pas une mode. Nous avons influencé la mode, mais nous ne sommes pas une mode. Voilà, qui sont les hippies? La France découvre les hippies des archives dont s'est emparé Alexandre Manzanares, qui réalise aussi le cours de l'histoire sur France Culture, avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédéric, des archives qui datent de la fin des années 1960 au début des années 1970. Une forme d'incompréhension. Oui, alors c'est un mouvement beaucoup plus vaste que le cas français, évidemment. Ce mouvement donc est parti des États-Unis. Il est issu du mouvement beatnik des années 50, et puis ensuite donc il a touché plus particulièrement l'Ouest américain, la Californie, et il s'est répandu dans le nord de l'Europe, par exemple aux Pays-Bas, au Danemark, avant de venir en France. Donc c'est un mouvement beaucoup plus large qui s'inspire de courants assez divers, et on voit dans votre archive que le corps, le vêtement devient politique, donc montrer sa rupture avec le système dominant, ça passe par la transformation du corps avec les cheveux longs, la barbe, le brouillage entre les genres féminin masculin, donc les hommes qui portent les cheveux longs, par exemple des boucles d'oreilles ou des femmes qui portent des pantalons. Des pantalons, etc. Donc il y a ce brouillard, évidemment, qui, alors les tenues peuvent paraître négligées, ou voire l'hygiène corporelle aussi prête beaucoup donc à oui, à compter, enfin, à discussion. À discussion. Évidemment, c'est fait pour choquer, pour revendiquer une certaine liberté, pour remettre en cause tous ceux qui appartiennent au modèle dominant. Jean Vigreux, quel regard porte le Parti communiste dans ces années 1960-1970 sur ces gens qui réinvestissent des espaces ruraux? Il y a une démarche politique, alors chez les hippies, pour le dire simplement en utilisant un mot générique, il y a une démarche politique, mais qui échappe au Parti communiste ou qui n'intéresse pas tant que ça le Parti communiste? Ils ont d'autres propositions. Ouais, ça échappe au Parti communiste parce que vraiment, on n'est pas sur les mêmes rapports de force. Hein. N'oublions pas que dans ces années 60-70, il est encore à plus de 20, voire 25% de l'électorat, qu'il y a une implantation très forte, non seulement d'un point de vue député ou d'un point de vue sénateur, mais surtout de maires ruraux, donc d'une implantation. Hein, en 1977, je crois que le PC aura 1500 mairies. Quelque chose comme ça. Donc on voit bien dans quelle optique on se place. C'est un peu loin. Parfois, il peut même y avoir des violences, puisque c'est la grande période où on dénonce les gauchistes aussi. Hein. Faut jamais perdre de vue ces aspects-là. Et puis ça peut venir aussi de groupes dissidents venus du communisme. Dans ces néo-ruraux, n'oublions pas les établis maoïstes années 70 qui arrivent dans certaines campagnes et qui proposent de tout renverser en quelque sorte, et comme ça a pu se faire aussi dans le Larzac, même si ils ont été vite mis dehors par les paysans eux-mêmes. Donc non, je pense qu'il y a plutôt un côté on ignore, on n'est pas dans une logique commune et c'est pas son monde, c'est pas sa représentation, et ça renvoie aussi peut-être à autre chose lorsqu'on évoque les vêtements et etc. N'oublions jamais hein, que dans le cadre du PCF depuis les années 30, hein, sous l'égide de Thorez, les élus doivent être bien habillés, doivent porter le chapeau, la cravate, et ne doivent pas être ces salopards en casquette, je mets des guillemets, comme la presse d'extrême droite, Gringoire, Je suis partout, représentait les communistes. Et dans le monde rural, faire le marché, là, dans les endroits où, en fin de compte, on allait dans une sociabilité villageoise, eh bien, on se mettait aussi sur son 31 pour aller dans ces fêtes populaires et donc c'est un peu différent. Voilà, on est là sur des choses qui sont non pas antagonistes totalement, mais plutôt ignorées. C'est ce qui me semble. Mais bon, de ce point de vue-là, je n'irai pas plus loin parce que c'est pas mon sujet véritablement. Et nous avons Catherine Rouvière avec nous qui veut nous en parler. Non mais c'est vrai qu'au moment de la fête populaire, c'est important, la fête, d'un coup nous avons une rupture ici avec ces nouveaux venus. L'accueil se passe bien? Alors ça, les choses évoluent, mais effectivement c'est très conflictuel au moment de la première vague, qui était quand même la vague la plus radicale et qui se trouvait confrontée à une population elle-même assez conservatrice, et ces aspects extérieurs de vêtements, d'hygiène sont ceux qui provoquent le plus de rejet parce que ça heurte l'idée qu'on a de la dignité de l'être humain. Ces hippies apparaissent finalement comme vivant d'une manière proche peut-être de l'animalité. Enfin, il y a tout un rejet culturel qui est très très fort. Les situations après évoluent. Ça dépend aussi beaucoup de l'attitude des néo-ruraux eux-mêmes, s'ils sont donneurs de leçons ou au contraire s'ils essayent de se rapprocher des derniers paysans qui restent dans les endroits où ils se sont installés pour apprendre de leur savoir-faire, etc. Oui, apprendre du savoir-faire des anciens, ça c'est une démarche. Et puis ce qui peut étonner aussi, bien au-delà des vêtements, ce sont les pratiques de ces nouveaux venus. C'est sûr, oui, ça étonne. Et si vous plantez du hashish dans votre champ, quoi? Du hashish. Ils s'installent dans un champ et ils font leur petit carré de hashish. On lit ça tous les jours dans les journaux. Ah bon? Oui. Et ça pousse facilement. Je vous demande pardon? J'ai jamais réussi à rien faire pousser dans ce champ. J'ai essayé le blé, le maïs, même la betterave. Ça rapporte le hashish? 50 prisons minimum. Ah oui? Ben je mettais les foutres dehors, moi! Quelques messieurs trop tranquilles, le film de Georges Lautner en 1973, en écho à la situation avec qui on a reconnu Jean Lefebvre, Michel Galabru et Paul Prébois. Ah oui, bien sûr, de nouvelles pratiques aussi dans ces campagnes. Oui, bien sûr, alors c'est des pratiques qui choquent, en particulier tout ce qui est de l'ordre des rapports amoureux ou sexuels, avec donc la pratique dans les communautés, puisque c'est la grande vague des communautés jusqu'aux années qui culminent en 1973, avec voilà, les pratiques d'une sexualité ouverte, des échanges, etc. Et donc ça, évidemment, ça heurte énormément. Et puis là, ici, donc, le cliché aussi de l'usage de drogue et de culture de drogue dans ces espaces très reculés. Usage et culture, parce que ces pratiques sont aussi liées à l'agriculture. Il y a des fonctionnements nouveaux qui arrivent dans la campagne, qui peuvent bouleverser ceux qui voient des nouveaux venus, des néo-ruraux en train de faire pousser des choses qu'on ne faisait pas pousser ici auparavant. Oui, alors au-delà de la culture de la drogue, il y a la mise en valeur de d'autres types de cultures qui n'étaient pas développées auparavant, ou beaucoup moins. Par exemple, tout ce qui est petits fruits ou remise culture de variétés anciennes. Donc il y a toute une partie en fait d'innovation, mais qui se construit aussi à partir de savoirs anciens qui sont remis en service tout en étant modifiés, améliorés, et qui permettent de mettre en place une activité peut-être plus rémunératrice en trouvant des marchés de niche ou en revalorisant certaines productions comme la châtaigne par exemple, en lui trouvant donc des débouchés très variés, des utilisations beaucoup plus variées qu'auparavant. Avec des circuits différents, voilà. Des circuits courts. Donc le problème des néo-ruraux, c'est que ils sont dans les espaces qu'ils occupent, ils sont beaucoup moins nombreux que ne l'étaient les habitants au 19e siècle, où ces zones étaient extrêmement peuplées. Donc ils cultivent de petites surfaces et il leur faut trouver un revenu à partir de ces petites surfaces, et ça passe donc par la transformation et la vente de produits qui permet quand même de multiplier par 3 ou par 4 la valeur de ce qui est commercialisé. Et donc ça passe par des circuits courts. Et puis de l'artisanat aussi. Et l'artisanat, voilà. Donc là, nous ne sommes pas dans le cliché, mais nous sommes dans les images que nous connaissons sur le marché. Oui. Nous avons la vente du produit de la ferme par ces néo-ruraux. Voilà. Et malgré tout, dans ces années 1970, demeurent des fractures sociales profondes, les ouvriers agricoles et le Parti communiste. Combien de temps que vous êtes ici, sur cette ferme ? Il y a 30 ans. Quel âge vous avez ? J'ai 46 ans, mais moi j'étais ouvrier. Ouvrier agricole ici ? Oui. Avant d'être fermier ? C'est ça. Et vous êtes fermier depuis quand ? Depuis 65. Et on nous a dit qu'il y avait un gros propriétaire, alors qui lui peut acheter. Oui, soi-disant, oui. Justement, c'est la ferme. Et combien il a de lui de surface ? Soi-disant, il en avait 67. 67 hectares, il a déjà ? Oui. Et c'est un cumul, ça. Je sais pas pourquoi, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Pas grand-chose, j'aime bien vous dire. Oui, il n'en pense pas grand-chose. Les paysans, c'est un film de Robert Bozzi en 1972, dans les archives du Parti communiste français. Jean Vigreux, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Franche-Comté. Vous avez écrit La faucille après le marteau, le communisme au champ. Et puis, cette histoire du Parti communiste français dans ces années 1970. Quelles sont les propositions du Parti communiste ? Là encore, dans les programmes, au moment des élections, c'est vrai que le Parti communiste, nous l'associons aux grèves ouvrières. Mais non, il y a un intérêt porté aux espaces ruraux. Oui, il y a un intérêt porté aux espaces ruraux. N'oublions pas qu'en 68, une des plus belles revalorisations salariales, c'est celle des ouvriers agricoles. Alors, vous nous venez directement, Jean Vigreux, de l'année 1968, je pense, parce que votre voix s'est transformée en archive. Dites-nous, Catherine Rouvière, où vous êtes en 2022, aujourd'hui. L'histoire que vous écrivez, cette histoire des néo-ruraux. Vous la qualifiez d'utopie, l'utopie néo-rurale, retourner à la terre, c'est le titre de votre ouvrage. Vous allez reprendre ce que Jean Vigreux allait nous dire. Est-ce qu'il y a un engagement politique construit, un engagement lié au parti avec ces néo-ruraux ? Il y a un engagement, je dirais qu'on pourrait qualifier de, peut-être d'infra-politique, c'est-à-dire qui est quand même de la politique, mais c'est l'engagement politique qui passe par des pratiques quotidiennes, par le fait de transformer sa façon de vivre, que ce soit dans les rapports interpersonnels ou dans l'organisation de la production, par exemple, avec beaucoup de mise en commun. On parlait tout à l'heure des CUMA, des coopératives d'utilisation de matériel agricole. Ce sont des dispositifs en fait qui ont été réutilisés par les néo-ruraux, mais dans une optique peut-être différente de ce pourquoi ils avaient été prévus. Par exemple, les GAEC aussi, donc les groupements agricoles à plusieurs agriculteurs. Tout ça, c'est des donc il y a quand même une réflexion sur une pratique collective de l'agriculture. Déjà parce que les néo-ruraux sont pas très très nombreux, donc ils ont besoin beaucoup d'entraide. Et puis, par exemple, en ce qui concerne le GAEC, ça permettait de donner un statut aux femmes d'agriculteurs, ce qui n'était pas le cas dans les structures traditionnelles. Ouais, c'est intéressant, ça a développé le oui. cas des femmes dans ces exploitations agricoles, rôle essentiel et souvent laissé de côté quand c'est le mari qui travaille, voilà. soi-disant, alors que c'est le couple qui est à l'œuvre. Oui, oui, tout à fait. Donc, et c'est en particulier le syndicat des paysans travailleurs qui a développé cette utilisation un peu subversive de dispositifs existants. Donc, c'est assez intéressant de voir comment quelque chose peut être réutilisé dans une optique complètement différente. Jean Vigreux, toujours dans une idée électorale, ce qui est le fonctionnement d'un système démocratique, le Parti communiste français a besoin de l'ensemble des électeurs, d'un maximum d'électeurs. Donc, quelles sont les propositions dans ces années 1970 qui sont adressées au monde paysan ? Alors, on retrouve là même des parallèles avec ce qui vient d'être dit des paysans travailleurs et sur les femmes. Hein. N'oublions pas que déjà, depuis les années 50, avec vers l'émancipation paysanne, les ouvrages de Val-des-Crochet ou ceux de La Terre plus tard, on présente toujours celle qui est l'oubliée de l'exploitation agricole familiale, c'est la femme. Parce qu'on présente tous les travaux qu'elle fait à la basse-cour, qu'elle fait aussi pour le foyer, etc. Et donc, il y a aussi cette volonté de reconnaissance. Mais surtout, l'essentiel hein, des revendications, c'est un classique du genre, c'est le bonheur pour tous, c'est-à-dire que ce qui est obtenu dans les villes soit obtenu aussi pour les ouvriers des champs ou pour les paysans. J'évoquais tout à l'heure, quand on a été coupé, je ne sais pas pourquoi, le SMAG, qui est la plus belle revalorisation en 1968 du salaire minimum agricole donc pour les ouvriers, le prolétariat rural, c'est une augmentation extrêmement importante, c'est plus de 50% d'augmentation. Autre revendication aussi, qui participe hein, encore dans ces années 70, fin des années 60 et début des années 70, c'est que tout le monde puisse bénéficier aussi de congés, puisse bénéficier de choses que qui sont souvent vues que du côté du monde urbain, c'est-à-dire c'est la volonté d'un bonheur pour tous. Hein, c'est ça l'idée partagée en tout cas par le Parti communiste dans ces années-là. Et entre autres, hein, je l'évoquais tout à l'heure, l'idée de produits de qualité. On se bat pour les appellations d'origine. On se bat pour tout ce qui est, je dirais, le produit sain. Et du produit de très bonne qualité pour l'ensemble, non seulement de ceux qui le font, pour avoir une rémunération, parce que c'est ça la grande question qu'on a dans ces années, c'est la rémunération du travail qui est fait, et de lutter contre les intermédiaires, puisque c'est le grand moment où apparaissent les grandes surfaces. On demande de plus en plus un prix qui soit avec une bonne rétribution pour les producteurs. Oui, parce que les producteurs, les agriculteurs veulent produire le meilleur. Il y a de ça aussi cette fierté. Catherine Rouvière, vous êtes chercheuse associée au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains. Vous avez écrit « Retourner à la terre » publié aux presses universitaires de Rennes. Il y a cette première vague à la fin des années 1960, début des années 1970. Allez, on va dire dans la suite du mouvement hippie. Et après, en écho à ce que vient de nous dire Jean Vigreux, il y en a d'autres qui viennent, d'autres néo-ruraux, plus proches de l'écologie maintenant. Oui, voilà, donc c'est la deuxième vague. À partir de 1975, donc on voit dominer les préoccupations écologistes. On est au lendemain de la première candidature à l'élection présidentielle d'un candidat écologiste, Dumont. En 1974, René Dumont. Cette vague qui arrive là, alors elle arrive à un moment où c'est le début de la crise économique. Donc on est plus dans la même perspective et les pouvoirs publics eux-mêmes changent aussi l'orientation de la politique d'aménagement du territoire et cherchent justement à tirer profit de ces vagues d'arrivée pour maintenir l'emploi à la campagne. Ces nouvelles vagues ont un projet beaucoup plus construit. Souvent, ce sont des gens assez bien formés. On trouve beaucoup d'ingénieurs agronomes, par exemple. On trouve aussi des enfants de paysans qui, après avoir fait leurs études et commencé une vie professionnelle en ville, encouragés par les néo-ruraux de la première vague, reviennent sur l'exploitation de leurs parents, se sentent soutenus dans leur volonté d'innover, ce qui n'était pas évident dans un milieu paysan où le père a vraiment tout pouvoir et puis empêche souvent de faire autre chose que ce qui s'est toujours fait. Donc, c'est une vague très intéressante qui a les formations commencent à se développer même si elles sont très rares sont par exemple les centres de formation professionnelle agricole qui mettent en place des formations spécifiques pour des gens qui sont pas issus du milieu agricole. Il y en a quelques-uns mais ça reste très marginal, mais les choses quand même évoluent et cette vague cherche justement à nouer le contact avec la population locale, à s'insérer dans le milieu local, à générer un revenu, etc. Enfin, quelque chose de beaucoup plus construit. D'autant que ceux de la première vague, par exemple, commencent à avoir des enfants, etc. Donc, il y a un besoin aussi personnel de s'insérer dans la société locale. Et ils vont participer aux élections municipales, aux structures d'aménagement du territoire assez nouvelles qui sont mises en place en 75 avec une expérience de pré-décentralisation qui est celle des contrats de pays qui vont beaucoup utiliser. C'est une histoire qui s'écrit encore. C'est oui. En cela qu'elle est passionnante parce que nous avons poussé loin dans le temps pour évoquer les jacqueries paysannes en tout début d'émission. Toute cette activité du Parti communiste français dans les campagnes, Jean Vigreux, c'est ce que vous avez étudié. Merci vivement à vous. Et puis, ces néo-ruraux, merci beaucoup. Catherine Rouvière, je rappelle, retournez à la terre. Merci pour ce voyage, cette explication de phénomène que nous vivons aujourd'hui. Mais pour le moment, il est temps de retourner au pourquoi du comment. Voici Gérard Noiriel. Depuis quand taxe-t-on nos héritages? En juin 2021, Jean Tirole et Olivier Blanchard, deux économistes qu'on ne peut guère accuser de collusion avec l'extrême-gauche, ont remis un rapport au président de la République dans lequel ils affirment qu'en France, la transmission du patrimoine constitue un facteur majeur de creusement des inégalités. En conséquence, ils proposent une réforme visant à taxer tout au long de leur vie les héritiers proportionnellement à la valeur du patrimoine reçu. Ce rapport a suscité de violentes réactions. Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, un think tank libéral qui défend les intérêts privés, a publié une tribune indignée dans Les Échos. Tout au long de la vie, quoi que vous fassiez, on vous taxe au maximum de ce que vous pouvez supporter. Si par hasard, et malgré les cascades fiscales que vous avez dû assumer, il vous reste quelque chose à transmettre à vos enfants, des économies, une assurance vie, une maison, voire deux ou une entreprise, alors là, on vous dit que ce n'est pas bien, que vous faites partie des héritiers et qu'il va falloir payer plus. Chers auditeurs, avant de sortir vos mouchoirs, écoutez ce que disent les historiens sur le sujet. C'est la Révolution française, au nom des principes d'égalité et de fraternité, qui a adopté la première loi taxant les héritages en adoptant un taux modeste de 1% pour les transmissions en ligne directe. Ce taux a légèrement progressé au cours du XIXe siècle, mais il ne tenait pas compte du montant de la succession. Fidèles aux idéaux de 1789, les fondateurs de la Troisième République voulurent modifier la loi pour introduire le principe de progressivité de cette taxe, car ils estimaient que plus l'héritage était élevé, plus le taux de prélèvement devait être important. En 1894, c'est Raymond Poincaré, un républicain très modéré, qui fut chargé de concocter cette réforme en tant que ministre des Finances. Son projet suscita une vaste polémique, focalisée sur la légitimité du principe de progressivité. L'économiste libéral Paul Leroy-Beaulieu mit en garde le gouvernement. « C'est un germe morbide qu'on dispose dans notre régime fiscal. » Lors d'un débat à la Chambre, Léon Say, qui avait été banquier, journaliste et administrateur de deux compagnies de chemin de fer, avant de faire carrière en politique, s'exclama. « Le budget actuel n'est pas seulement un budget de fiscalité, c'est un budget de porte ouverte. Cette porte que vous ouvrez à vos adversaires, c'est purement et simplement l'impôt progressif, qu'il soit applicable aux revenus ou aux successions. Et cette porte ouverte, vous ne la refermerez jamais. » Léon Say avait raison. Bien que le Sénat ait retoqué le projet de Poincaré, la loi prévoyant des droits progressifs de 1 à 4% sur les successions en ligne directe fut adoptée en 1901. Et le principe de progressivité pour l'impôt sur le revenu fut validé par la loi en 1914. La France n'est peut-être pas le pays merveilleux dont rêve la directrice de l'IFRAP. Mais grâce à ces mesures fiscales, les inégalités sociales ont été réduites au XXe siècle. Puisque toutes les études montrent que ces inégalités se sont à nouveau creusées depuis une vingtaine d'années, on comprend que la grande majorité des économistes puissent plaider aujourd'hui pour une réforme de la taxation des patrimoines. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec Jean-Frédéric Salatechnique, une émission préparée par Anne Toscane-Viudès, Marion Dupont-Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Valentine Lovrens, et une émission comme toutes les précédentes que vous pouvez écouter, podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. France Culture. L'esprit d'ouverture.